Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Bibliage. Liberté numérique. Société de l'information. 15 jours sur 2. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Random. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur 2. Bidouillage. Ni filtrage, ni censure, nous voulons le net, libre et ouvert. Actualité. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, veut le faire. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Random, donc numéro 40, aidez-moi, oui, aidez-moi, 40... 40, émission voilà. Numéro 41. 40, donc, voilà. Donc, émission 40, émission aléatoire, toujours. Donc, une petite reprise après une pause estivale un petit peu longue, on va dire. Ouais, hein, bon, le temps de se réorganiser, tout ça. Le temps de prendre des vacances aussi. T'as pris des vacances, là. Voilà, donc bref, donc on est là pour une petite émission tranquillou, ça devrait bien se passer. Aujourd'hui, un gros sujet, la pièce centrale de l'émission, on va dire qu'on a un gros sujet, et puis après on traitera quelques sujets d'actualité. Ouais, on a quelques sujets d'actualité, je sais pas, on commence par l'actu d'habitude. On commence par l'actu d'habitude. En fait, j'ai même le plan de l'émission. Ah bah ça c'est bien. Fallait commencer par ça. Bah ouais, fallait commencer par ça. Tout à fait. Donc, alors quelques petites news. On parle un petit peu d'un concert, du concert de Tarik Teenage Riot qui aura lieu le lundi 31. On vous en reparle un petit peu plus dans l'émission. On parle un petit peu dans l'actu du milieu hacker de l'appel à contribution pour Rafale. Et puis également, on aura donc un dossier avec donc un super invité que ça fait super plaisir de l'avoir. Et puis, comme d'habitude, l'agenda, le tout entrecoupé de musique libre. Ou pas à cause du concert qui aura lieu le 31. C'est vrai que je me permets de te couper. On n'a pas fait le petit tour de la table habituel. Tout à fait. On a. Pardon ? C'est bon. D'accord. Mmh. Donc, Oui, donc on a un invité qui peut se présenter. Donc, Robert. Robert. Voilà, donc bonsoir Robert. Il y a DB. Autour de la table et Man Martigan à la technique. Voilà pour. La technique, c'est Martigan. La joke, c'est Momo. Et il y a un petit truc qui buzz, hein. J'en ai bien conscience, mais je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Donc au fur et à mesure de l'émission, je vais essayer de trouver qu'est-ce qui fait un petit parasite là. Il y a un frelon dans la table, on dirait. Ouais, un petit truc, ouais. Moi je ne sais pas ce que c'est. Je vois pas du tout. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on va commencer par l'actualité. Bon, on a classé ça en actualité locale. Mais voilà, Atari Teenage Riot sera donc en concert à Lille le 31 octobre, le lundi 31 octobre, jour d'Halloween, à l'aéronef. L'aéronef, c'est avenue Villivrente, métro, c'est à Lille, c'est dans le bâtiment à Lille, c'est métro Lille-Flandre, sur la ligne 1. Et donc c'est à l'aéronef. Les tarifs, c'est tarif plein 12 euros et tarif abonné 6 euros pour les personnes qui sont abonnées à l'aéronef. Il y aura également donc une première partie qui sera le groupe Tang. C'est un groupe lillois qui viendra défendre son troisième album qui s'appelle Dynamite Drug Diamond. Et Atari Teenage Riot, un groupe mythique, un groupe de digital hardcore, c'est-à-dire un gros mix entre punk, hardcore très politisé, ambiance techno-anarchiste machin, avec également du gros son techno qui bourrine, boum boum boum boum. Et Donc voilà, qui a sorti un album il y a un an qui s'appelait Is This, enfin qui s'appelle toujours Is This Hyper Real. Donc voilà, et du coup, cet album contient pas mal de choses, notamment dans les textes qui sont en des références directes au mouvement hacker. Notamment une chanson qui est la chanson Black Flags, qui est en soutien au mouvement Anonymous. Donc, je peux d'ores et déjà annoncer qu'on aura une interview du groupe qui sera probablement diffusée dans Random 42, donc dans deux semaines. Une interview du groupe, ça y est, on arrive à faire des trucs bien avec Random et tout. Donc, stay tuned, comme on dirait l'autre. Et puis voilà. Sans transition, je passe à l'actu du milieu hacker vite fait. Une petite news qui fait toujours plaisir. Rafale, le magazine électronique Rafale, très orienté freaking, machin truc, exploration urbaine, bidouille électronique en tout genre. Un excellent magazine qu'on suit depuis, qui existe depuis quelques temps maintenant, qui va sortir son 17e numéro. Et qui, comme d'habitude, quand ils vont sortir un numéro, ils envoient ils publient un appel à contribution. Il y a un appel à contribution pour le 17e numéro de l'excellent Rafale. Toutes les infos sur rafale.org, rafale.org. On espère que, comme d'habitude, il y a des gens qui répondront à cet appel à contribution et qui pourront continuer à faire vivre cet excellent magazine underground qui se proclame pas tout à fait hacker. Ouh, il y avait des choses dans ma voix là. Qui se proclame pas tout à fait hacker parce que trop éclectique et volontairement éclectique. Notamment dans tout ce qui est exploration urbaine, machin. Donc qui se limite pas simplement à la contre-culture hacker, mais qui, vu un peu le vide intersidéral des publications hacker en français à l'heure actuelle, fait toujours plaisir et puis continue à faire vivre la flamme. Donc c'est important de soutenir ce genre de publication. Et puis voilà, 17 numéros, respect quoi. Une petite pause musicale ou pas du tout? Ah, on peut, oui, tout à fait. Non. Bon. Enchaîne limite pour faire deux sujets après, mais ce sera un peu long. Ouais, d'accord. Bon, on va enchaîner direct. Dans la petite catégorie, habituelle qu'on appelle censure, filtrage d'internet et neutralité des réseaux, il y a quand même une news extrêmement importante. On avait parlé énormément dans Random de la loi Lopsy ces deux dernières années, la loi Lopsy donc qui faisait entrer la censure gouvernementale d'internet en France, il y avait deux arguments qui étaient en fait des excuses pour ne pas soutenir le combat contre cette loi. Premièrement, il y avait tous les gens qui disaient la censure d'internet, on s'en fout un peu, de toute façon c'est pour la pédopornographie, ça sera jamais inquiétant, et puis il y avait tous les gens aussi qui disaient que la Lopsy, c'est encore une loi liberticide, de toute façon elle marchera pas, on aura toujours des techniques pour passer outre, etc. Le site Copwatch Nord Île-de-France, dont on avait déjà parlé dans Random depuis au moins un an, a été officiellement censuré par la justice à la demande du gouvernement. Ce qui s'est passé, c'est que traditionnellement les groupes de Copwatching publiaient énormément sur les indie médias, notamment Indie Media Lille et Indie Media Paris. Au mois de septembre, il y a un site web qui avait ouvert, qui était copwatchnord-idf. .org, qui avait ouvert, le syndicat Alliance, le syndicat de police, avait demandé à ce qu'une action soit prise contre ce site web, notamment contre une dizaine ou une vingtaine de documents publiés sur ce site web. Donc il y a eu un jugement en référé. En fait, le ministère de l'Intérieur demandait à ce que un certain nombre de documents soient bloqués par les fournisseurs d'accès. Comme les fournisseurs d'accès ont expliqué que c'était compliqué et coûteux et que ça pouvait pas être fait tout de suite de bloquer l'accès à un document, Le juge a considéré que bah voilà, il fallait censurer tout le site web, donc bloquer intégralement tout le site web. Les copains de Telecomics avaient pris un petit peu les devants en commençant à organiser une campagne de mirroring de site web avant le jugement. Donc, ce qui veut dire que le vendredi où le jugement a été rendu, le vendredi ou le samedi où le jugement a été rendu, il y avait déjà une vingtaine de sites miroirs de site web là, ce qui fait que même si le site web est actuellement n'est actuellement plus accessible, eh bien il y a toujours un certain nombre de sites miroirs qui sont eux accessibles, et donc l'information continue à circuler librement. Bon bah donc voilà, et puis voilà ce qui arrive quand on défend pas ses valeurs, et quand on laisse un gouvernement censurer à tout va. Bon ben bah voilà, et puis ça remet les idées claires aussi aux gens qui disaient que ben c'était que le filtrage d'internet, on s'en fout un peu, machin. Bon ben bah voilà, le filtrage pour cause politique, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, hein, il s'agit de censurer un site web qui a une activité politique et citoyenne. Et de le censurer complètement, ce qui est une aberration dans le cadre d'une simple enquête d'une simple affaire de diffamation. Hein, c'est un journal publie une diffamation, bah voilà, on censure tout le journal, on l'interdit de paraître. Bah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et faire passer le blocage complet d'un site web. Comme réponse à une simple diffamation, bon voilà, c'est vraiment le monde dans lequel on vit, et la France dans laquelle on vit à l'heure actuelle. Sur ce, de toute façon on continuera à en parler, on va continuer à suivre cette affaire comme on la suit depuis un certain temps maintenant, depuis que la police souhaite censurer Internet et s'active, et avec les syndicats de police qui s'activent pour faire censurer Internet comme ça en France. Enfin voilà. Petite pause musicale. Je vais expliquer ce qu'on a prévu comme sujet pour après, justement. On avait oublié d'en parler. Donc ce sera un sujet en fait sur les RFID. Donc ça devrait intéresser tout le monde, aussi bien Madame Michu que l'ingénieur qui connaissait déjà. Ça m'intéressait aussi celui qui fabrique la technologie, et donc j'expliquerai. J'expliquerai pourquoi donc cette technologie est mauvaise, comment elle entre dans les foyers, des petits exemples de ce qui va nous tomber dessus, et si on a du temps, comment s'en protéger. Ah mais t'inquiète qu'on va avoir du temps là. Voilà. Donc bah, on se retrouve d'ici. T'as pas vu le sujet encore. 4-5 petites minutes, à tout à l'heure. D'accord. Vous pouvez nous joindre au 03 20 91 24 00 pendant les pauses musicales via Silk sur silk.dg-sc.org, canal random, et retrouvez nos infos sur lille.dg-sc.org/random. Reviens, oh, je t'amuserai, je te le promets. Voilà, donc ce que vous venez d'entendre, c'était... alors c'est Acme qui a fait ça, c'était en fait les sons qu'il y avait sur les cracks. Et ce crack-là, ça concernait Inter Video Win DVD Creator Platinum version 3.0 B01. Ultimate, la totale, voilà. Professional. Plus, voilà. On donc, the beach, voilà, in the mix. Tout à l'heure, quand il a dit musique libre, je dis ou pas, parce que bon, bah, comme c'est de la musique qui n'existe pas, elle n'a pas de licence. En gros, c'est un peu ça. Musique qui n'existe pas. Et big up à toutes les personnes qui pratiquent le reverse engineering. Histoire que, bah voilà. Ouais, et on aurait besoin d'un petit reverse engineering ici pour trouver le mulement. Ouais, le petit parasite. Il y a un frelon dans la table et il se cache. Bon, tout ça pour dire que on a un super invité qui a préparé un super dossier depuis un mois, et comme on faisait pas d'émission, et ben voilà. Donc, Robert. Parti. Alors, bon. Je proposais de faire en deux parties. Première chose, ce serait plutôt expliquer ce que c'est le RFID, un petit peu de théorie, d'où est-ce que ça vient. Et deuxième partie, à ce moment-là, ce sera de l'exemple plus pratique, et donc la protection. Donc, comme 99% des technologies qui peuvent faire autant le bien que le mal, les RFID, à la base, c'est d'abord créé pour faire le bien. Et encore. Donc un exemple, ce serait les militaires au cours des grandes guerres qui avaient un souci. C'était lors des combats aériens, comment est-ce qu'ils pouvaient identifier les avions ennemis des avions amis, sans pour autant avoir de visibilité directe. Donc ils ont trouvé une solution, c'est ce qui est à la base des RFID. Ça consiste à placer à l'intérieur des avions ennemis une balise radio, qui sur demande de l'artillerie ou d'un autre avion va renvoyer une identification pour dire ben non, moi je suis un avion ami. Et du coup, bah, l'artillerie, elle tire pas dessus, et ça permet effectivement de sauver des vies. Donc ça, c'était l'excuse en disant, bah voilà, on sauve des vies, on fait du bien, même si